الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. Chapitre sur les politesses, les bons comportements et les nobles caractères légiférés, qui est l'œuvre du savant Abu al-Wafa Ali ibn Aqil al-Baghdadi al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Nous allons voir aujourd'hui les paroles de l'auteur concernant certaines politesses et certains comportements liés au walima. Et s'il nous reste du temps, nous verrons également ce qui est lié à la visite du malade et à la prière mortuaire et aux condoléances. Donc tout d'abord, en ce qui concerne la walima, qu'est-ce que signifie le mot al-walima? Les gens de science ont dit que c'est un nom employé pour désigner particulièrement le repas fait à l'occasion d'un mariage. Et d'autres ont dit que c'est un nom général qui désigne tout repas auquel on convie autrui. Et la walima, en ce qui concerne le mariage, elle est légiférée et recommandée, comme le démontre le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, d'après Abd al-Rahman ibn Auf, radiyallahu anhu, qui rapporte que lorsqu'il s'est marié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit suite à cela, « Aulim walau bisha, fais une walima, fais un repas pour ce mariage, même si ce n'est qu'avec un ovin, un mouton ou une chèvre. » À partir de cela, les gens de science ont dit qu'il est recommandé d'organiser ce repas lorsqu'on se marie. Concernant les autres wala'im, les autres repas auxquels on peut être invité, comme le repas fait à la suite de la circoncision ou suite au retour d'un voyageur ou autre raison semblable, alors ces repas sont permis pour ce qu'ils comprennent comme manifestation de la joie et de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est recommandé, en ce qui concerne plus particulièrement la aqiqa, suite à la naissance d'un enfant, lorsqu'on sacrifiera pour la fille un ovin et pour le garçon deux ovins, alors c'est une bonne chose de cuisiner une part de cette viande et d'y inviter ses frères, ses amis, sa famille, afin qu'ils en mangent. Toutefois, les gens de science ont dit que les repas organisés auprès de la famille d'un mort, comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de pays, où les gens se réunissent après un décès pour un repas comme s'ils se réunissaient pour un mariage ou un autre événement joyeux. Et ceci fait partie des choses blâmables qui sont à délaisser. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, lui, il va nous exposer ici le jugement et les règles liées à la réponse à l'invitation à une walima. Et il a dit, rahimahullah, « وَيُسْتَحَبُّ الْإِجَابَةُ إِلَى وَلِيمَةِ الْعُرْسِ » Et il est recommandé de répondre, c'est-à-dire à l'invitation, pour une walima de mariage, pour le repas de mariage. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhumah, dans les deux recueils authentiques, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous est invité à une walima de mariage, alors qu'il y réponde. » Les gens de science, à l'exemple de l'auteur, ont donc considéré que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam est adressé ici à titre de recommandation, en raison de ce que la réponse à cette invitation comprend comme « concorde » et « diffusion de l'amour et de l'amitié entre les gens. Toutefois, il est à souligner que d'autres savants ont dit que répondre à cette invitation est une obligation. Premièrement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'y répondre dans ce hadith. Et la base, comme on l'a vu dans des cours précédents, est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne une chose, ceci nous indique l'obligation. Ajoutez à cela un autre hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, dans lequel Abu Huraira radiyallahu anhu a dit « Quel mauvais repas que le repas de la walima. On y invite les riches et on délaisse les pauvres. Et celui qui ne répond pas à l'invitation, il a certes désobéi à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait que ne pas répondre à l'invitation soit qualifié comme une désobéissance à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous démontre très clairement que ceci n'est pas une simple recommandation, mais que ceci est une obligation. Et on va voir les conditions à ce sujet. Inch'Allah ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَجِيبَ إِلَى وَلِيمَةِ الْخِتَانِ فَإِنَّهَا مُحْدَثَةً » Et il ne lui incombe pas de répondre, c'est-à-dire à l'invitation, pour une walima, pour un repas, suite à la circoncision, car ceci est une chose nouvelle. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dit cela en se basant sur un récit rapporté à ce sujet par Al-Hassan, qui aurait rapporté qu'un compagnon a été invité à un tel repas et qu'il refusa d'y répondre. Et lorsqu'on l'interrogea à ce sujet, il dit « Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous ne venions pas pour cela et nous n'étions pas invités pour cela. » Toutefois, nombre de gens de science ont considéré que la chaîne de transmission de ce récit n'est pas authentique. À partir de là, ils ont dit que la base concernant ce repas est la permission. Et les savants de Al-Lajnatu Da'ima, le comité permanent de la fatwa, sous la présidence de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, ont dit à ce sujet que la joie et la réjouissance suite à la circoncision est une chose demandée religieusement, car la circoncision fait partie des choses qui sont légiférées. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ dit « C'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir, ceci est meilleur que ce qu'ils réunissent. » Ils ont donc dit que la circoncision fait partie de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Donc il n'y a pas de gêne à préparer un repas à cette occasion à titre de reconnaissance envers Allah. Fin de citation de la parole de l'Ajnatu Da'ima. À partir de cela, on comprend que si on est invité à un repas pour une telle occasion, il n'y a pas de gêne, il peut même être recommandé ou obligatoire de répondre à l'invitation. Car les gens de science ont divergé concernant la réponse aux invitations autres que celle à la walima du mariage. On a vu la divergence concernant la walima du mariage. Certains ont dit cela est recommandé, et d'autres ont dit que c'est obligatoire. Et l'avis le plus juste, inshallah, d'après les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, est que cela est une obligation. Mais qu'en est-il des autres repas, comme ce repas fait suite à la circoncision, ou le repas de la aqiqa, ou le repas organisé suite au retour d'un voyageur ou autre chose semblable? Certains parmi les gens de science ont dit que répondre à l'invitation pour ces repas est une chose recommandée. Et d'autres ont dit que répondre à ces invitations est une obligation même si ce n'est pas pour le repas d'un mariage. Ils ont mentionné pour preuve le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous invite son frère, qu'il réponde à son invitation, que ce soit un mariage ou autre chose semblable. » Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'y répondre que ce soit un mariage ou autre. Et dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, d'après Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, qui a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné cette chose, puis il a dit « et répondre à l'invitation ». De manière générale, sans qu'il soit précisé, l'invitation du mariage. Donc il apparaît que l'avis prépondérant à ce sujet, et qu'il est obligatoire de répondre à toute invitation permise. Et l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet que ceux qui ont spécifié l'obligation de répondre à l'invitation, à la walima au repas du mariage, n'ont avec eux aucune preuve d'après ce qui apparaît, et ce car les repas, les wala'im, organisés sont des moments de joie, et cela englobe aussi bien le mariage qu'autre que cela. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, passe à une autre question, après nous avoir dit ce qu'il en était concernant le fait de répondre à l'invitation. Mais qu'est-ce qui est visé par cette réponse? Est-ce que c'est ta simple présence? Ou alors, une fois que tu as répondu, est-ce que tu dois également manger de ce repas? Il a dit, rahimahullah, وَإِذَا حَضَرَ وَلِيمَةَ الْعُرْسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْأَكْلِ بَلْ إِنْ أَكَلَ وَإِلَّا دَعَا وَانْصَرَفَ. Et s'il est présent à la walima du mariage, au repas du mariage, il ne lui incombe pas de manger. Soit il mange, soit il invoque en faveur de celui qui l'a invité, puis il s'en va. Donc l'auteur, rahimahullah, considère ici que, une fois que tu es présent, manger est recommandé. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, lorsque l'un d'entre vous est invité, qu'il réponde à l'invitation. S'il jeûne, alors qu'il prie, c'est-à-dire qu'il invoque en faveur de celui qui l'a invité, et s'il ne jeûne pas, qu'il mange. En se basant sur ce hadith, certains parmi les gens de science ont dit que manger était une obligation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit s'il ne jeûne pas, qu'il mange. Et ils ont dit que ceci était l'objectif de la réponse à l'invitation, et que ce qui est visé n'est pas seulement d'être présent. Toutefois, ce qui est juste à ce sujet est que manger n'est pas une obligation, car dans un autre hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous est invité à un repas, qu'il réponde, c'est-à-dire qu'il réponde à l'invitation, puis s'il veut qu'il mange, et s'il veut qu'il délaisse, c'est-à-dire qu'il délaisse le fait de manger. » Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement laissé le choix entre le fait de manger ou ne pas manger. Mais il reste recommandé de manger et ceci est préférable. Et ceci est une manière plus complète et plus parfaite de répondre et d'honorer cette invitation. Et celui qui t'a invité ne t'a pas invité seulement pour ta présence, mais cela lui fait plaisir de te nourrir et il aime que tu manges de son repas. Donc pour honorer son invitation, il te convient d'honorer ce plat et de manger, ceci est recommandé, sauf si tu as une excuse. Si par exemple tu as été invité à l'improviste et que tu as déjà mangé, il n'y a pas de gêne, Inch'Allah, tu t'excuses et tu expliques cela. Ou alors, il y a certaines personnes qui ont un régime particulier, pour des raisons de santé ou autres, et qui ne peuvent pas consommer toute nourriture. Donc nul gêne à elles de s'abstenir, elles viennent seulement pour répondre à cette invitation, invoquer en faveur de celui qui les a invités, participer à ce moment de joie, même si elles ne mangent pas. Mais s'il est possible de participer à ce repas, ne serait-ce qu'en mangeant quelques bouchées ou certains aliments qui sont posés, alors ceci est une bonne chose, et ceci est plus méritoire. Et l'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit sur cette question que manger du repas de l'walima est une obligation communautaire, et ce afin de réunir entre les preuves. On a vu le premier hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne de manger. Et le deuxième, il laisse le choix. Donc le shaykh, rahimahullah ta'ala, il nous dit qu'en réunissant ces preuves, on voit que manger est une obligation communautaire, c'est-à-dire que parmi tous ceux qui sont invités, il est impératif qu'une partie des gens présents mangent de ce repas. Et à partir du moment où un nombre suffisant mange, les autres sont excusés. Mais si tout le monde délaisse le repas, alors il y aura en cela un méfait. Et ceci va blesser et vexer cette personne qui les a invités. Et c'est pour cela que ce n'est pas convenable. Donc cet avis, soutenu par le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, est un avis très pertinent sur la question réunissant entre les différentes preuves rapportées à ce sujet. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, attire notre attention sur une autre question d'une grande importance. Et il dit « وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ الْإِجَابَةُ إِلَيْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا لَعِبْ وَلَا مُنْكَرْ وَلَا لَهْوَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا مُحَرَّمْ حَرُمَتِ الْإِجَابَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَكْرُوهْ كُرِهَتْ الْإِجَابَةِ. Donc il nous dit, et il n'est recommandé de répondre à cette invitation que s'il n'y a pas de divertissement, c'est-à-dire de divertissement interdit, de choses blâmables, comme de l'alcool, de la mixité, des gens qui fument ou autre chose semblable, ou des instruments de musique. Ensuite il dit, S'il y a, à ce repas, une chose interdite, alors il sera interdit de répondre à l'invitation. Et s'il y a une chose détestable, il sera détestable de répondre à l'invitation. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, ici il fait allusion à une des conditions rendant obligatoire ou recommandée la réponse à l'invitation. Car les gens de science ont mentionné des conditions rendant cela obligatoire ou recommandé. Et la première condition, qui est celle qu'a mentionné l'auteur, rahimahullah, est une condition d'une grande importance. C'est qu'il n'y ait pas lors de ce repas une chose interdite. Si dans ce repas il y a de la musique, si dans ce repas il y a de la mixité interdite, si dans ce repas il y a des gens qui fument, la cigarette ou la chicha ou autre, dans ce cas-là, il n'est pas permis de répondre à cette invitation. Même si c'est une invitation à un repas de mariage. Même si celui qui t'a invité est un proche parent. Car répondre à cette invitation est une forme d'aide dans la transgression et le péché. Et c'est même une forme d'approbation et de participation au péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ » Il vous a certes révélé dans le livre. « أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا » que lorsque vous entendez qu'on renie les signes d'Allah, qu'on renie ses versets, ou qu'on s'enraille, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ alors ne vous asseyez pas avec eux, ne vous asseyez pas avec ces gens qui renient les signes d'Allah ou qui s'enraillent, jusqu'à ce qu'ils passent à une autre conversation. Ensuite il dit, subhanahu wa ta'ala, إِنَّكُمْ إِذَمْ مِثْلُهُمْ sinon, vous serez comme eux. Si vous restez assis avec eux, alors vous serez comme eux, car votre présence, tout en gardant le silence, est une forme d'approbation du péché, de participation au péché. L'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit dans le tafsir de ce verset, « Et ce, car vous avez agréé leur mécréance et leur raillerie, et celui qui agrée le péché, et comme celui qui le commet. » Puis il dit, rahimahullah, donc, en résumé, celui qui est présent à une assise dans laquelle on désobéit à Allah, il est obligatoire pour lui de les blâmer, s'il en a les capacités. Il est obligatoire pour lui de condamner ce mal, de le faire changer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui parmi vous qui voit un mal, qu'il le change par la main. C'est là l'autorité. S'il ne peut pas, alors par sa langue, s'il a la science et qu'il peut conseiller et interdire. Donc il est obligatoire pour lui de condamner ce mal s'il en a les capacités, ou alors de partir s'il n'en a pas les capacités. S'il n'a pas les capacités de faire changer ce mal, il part. Il ne reste pas dans cette assise où on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne dit pas, oui mais je condamne dans mon cœur, non. Si tu condamnes dans ton cœur, tu pars. Mais si tu restes, alors que tu as la capacité de partir, c'est que tu n'as pas condamné cela dans ton cœur. Et ça, c'est très important de le souligner. Car nombre de personnes lisent le hadith, celui qui voit un mal, qu'il le change par sa main, s'il ne peut pas, par sa langue, s'il ne peut pas, par son cœur. Et ceci est le minimum exigé par la foi. Puis tu les vois s'asseoir dans des walimas, dans des repas de mariage, ou autres repas, ou autres assises, dans lesquels on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a de la musique, où il y a de la mixité interdite, où il y a de la nudité, et ainsi de suite. Puis lorsque tu le conseilles, il dit « Oui, mais je n'approuve pas cela. » Subhanallah. Tu n'approuves pas et tu restes assis avec eux à plaisanter, à parler, à discuter. Si tu n'approuvais pas, tu serais parti. Si tu n'approuvais pas, tu ne serais pas resté avec eux à ce repas. Donc celui qui a réellement condamné par son cœur et qui est incapable de condamner avec sa langue et avec sa main, en raison de ce manque de science et l'absence d'autorité, il lui incombe de se lever et de partir. Donc si on sait que se trouve à un repas de mariage ou autre repas, ou autre invitation, un quelconque interdit parmi ceux que l'on a mentionnés ou autres, il ne lui est pas permis de répondre à cette invitation. Même si on l'a invité personnellement, il ne répond pas à cette invitation. Et nul gêne à lui à faire savoir à cette personne qu'il ne viendra pas, et lui expliquer le motif, et ce, à titre de rappel et d'exhortation. Et les gens de science ont mentionné que si tu sais qu'il va y avoir un interdit dans ce repas, et que tu es en mesure de faire cesser cet interdit, alors il est obligatoire pour toi de répondre à cette invitation. Et ce afin de réunir entre deux obligations. L'obligation de répondre à l'invitation de ton frère et l'obligation de faire cesser le mal. Si par exemple un proche t'invite un repas, et tu sais qu'il va y avoir de la musique ou de la mixité. Mais tu sais pertinemment que, si tu exiges de sa part que ce péché ne soit pas présent pour que tu viennes, il le fera. Tu lui dis par exemple, je veux bien répondre à ton invitation, mais par contre, à condition qu'il n'y ait pas ceci, cela, cela, et ainsi de suite. Si tu penses fortement qu'il va accepter cela de toi, ceci est obligatoire pour toi. Et il sera obligatoire pour toi d'être présent afin que ce péché n'ait pas lieu. Car si tu es absent, il ne va pas tenir compte de la condition que tu as exigée. Mais il se peut qu'il ne le fasse que pour t'honorer. Donc dans ce cas-là, rends-toi à cette invitation, afin de répondre à l'invitation de ton frère, l'exhorter, lui conseiller le bien, et mettre fin à ce mal et à ce péché qu'il s'apprêtait à commettre. La deuxième condition, rendant obligatoire la réponse à l'invitation, est que tu sois invité personnellement, c'est-à-dire que cette invitation te soit adressée en personne, que celui qui t'a invité soit venu te voir pour t'en faire part, ou qu'il t'ait téléphoné, ou qu'il t'ait envoyé un message, ou même qu'il soit passé par un intermédiaire, comme en envoyant quelqu'un te dire un tel t'invite à tel repas, à telle heure, à son mariage, à telle heure, et ainsi de suite. À partir du moment où il t'a visé personnellement, cela signifie que c'est une invitation personnelle à laquelle tu dois te rendre. Car si tu ne viens pas, tu vas nuire à ton frère. Il se peut que le jour du repas, il te cherche, il interroge à ton sujet, et qu'il soit triste que tu n'aies pas répondu à son invitation. Donc à partir du moment où tu sais qu'il t'a visé personnellement, tu dois répondre à son invitation. Par contre, si c'est une invitation générale, comme cela a lieu par exemple dans certaines mosquées, où après la prière, quelqu'un se lève et dit « Il y a un repas, venez tous manger. » Ici, tu n'as pas été visé personnellement, mais tous les gens présents sont invités, donc tu as le choix de t'y rendre ou non. Et ce n'est pas une obligation pour toi de t'y rendre car l'invitation est générale, mais cela reste recommandé. Et de la même manière en ce qui concerne les repas de mariage, lorsque certaines personnes font des cartons d'invitation et qu'ils laissent un groupe de personnes pour donner à tout le monde à la mosquée ou à tout le monde dans son quartier parmi ses voisins et autres, sans viser de personne en particulier. Il lui donne les cartons d'invitation, il lui dit « Donne-le à toutes les personnes à la mosquée, à toutes les personnes dans le quartier, ainsi de suite. » Ceci n'est pas une invitation à laquelle tu es obligé de répondre, Wallahu ta'ala a'lam. La troisième condition qu'ils ont mentionnée est que celui qui t'invite soit un musulman. Et ce car l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concerne l'invitation de ton frère. Et il a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, il y a cinq choses qui sont obligatoires pour le musulman à l'égard de son frère, et parmi elles, il a mentionné répondre à son invitation. Donc l'obligation, elle concerne l'invitation du musulman. Mais est-ce que cela signifie que si un non-musulman m'invite, je ne vais pas répondre à son invitation? Les gens de science ont dit que l'on différenciera et distinguera entre les situations. Si celui qui t'a invité est une personne que tu espères appeler à l'islam, ou alors c'est un proche parent avec lequel tu as besoin de maintenir le lien de parenté, alors il n'y a pas d'interdiction à répondre à cette invitation. Et cela peut même être une chose louable. Cela à condition, bien sûr, que lors de ce repas, il n'y ait aucune chose interdite qui soit servie. Que ce soit du vin, de l'alcool, du porc, de la viande morte, de la viande non halal ou autre. Car le musulman ne s'assoit pas à une table où est servi une chose interdite. Comme on le rapporte dans un hadith, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne s'assoit pas à une table où on sert du vin. Donc s'il y a une chose interdite qui va être servie à ce repas, il ne t'est pas permis de t'y rendre, quelle que soit la situation. Mais s'il n'y a aucun interdit, que cette personne est un proche, qu'il fait attention à cela, qu'il sait que tu es musulman, et qu'il y a un intérêt à répondre à son invitation, alors ceci est une chose permise qui peut même être louable, d'autant plus si tu espères son entrée en islam. Et il est à souligner ici un point important, surtout en cette période de l'année, que si l'invitation concerne un repas organisé à l'occasion d'un événement religieux, à l'exemple de leurs fêtes, comme les fêtes de fin d'année, alors dans cette situation, il est strictement interdit de répondre à l'invitation. Car répondre à cette invitation est une forme d'approbation de ce qu'ils célèbrent et de ce sur quoi ils sont comme mécréances. et tu participes ainsi à leur célébration. Donc durant cette occasion, il n'est pas permis de participer avec eux à leur repas. De la même manière qu'il n'est pas permis de les féliciter pour leur rite lié à la mécréance, comme ont souligné les gens de science. La quatrième condition qu'ils ont mentionnée est que celui qui t'invite soit une personne sur la droiture. C'est-à-dire que ce ne soit pas une personne parmi les gens de l'innovation qu'il nous incombe de boycotter, ou une personne ayant pour habitude de faire des péchés publiquement. Car ces personnes-là, il peut y avoir un intérêt à refuser leur invitation, afin de les sermonner, de les exhorter, et de leur faire comprendre que l'on n'agrée pas la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc s'il y a un intérêt à les boycotter et à ne pas répondre à leurs invitations, qu'on sait que cela leur permettra de se remettre en question et de se réformer, bi'idhnillahi ta'ala, alors dans ce cas-là, on ne répondra pas à leur invitation. Mais si le fait de les boycotter ne comprend aucun intérêt, ou pire encore, que cela les éloigne encore plus de la voie de la droiture, et qu'il y a des méfaits en cela, dans ce cas-là, on dira que celui qui est capable de se joindre à eux et de les exhorter et de les appeler à délaisser ces péchés qu'ils commettent ouvertement et à revenir à la voie de la droiture, alors il n'y a pas de gêne, et c'est une chose louable, de répondre à l'invitation afin de profiter de ce moment pour les exhorter et les rappeler à l'ordre. Et ceci fait partie de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans cette situation, il faudra prendre garde que ce soit bien toi qui sois de bonne influence sur eux et non pas l'inverse. Car combien sont ceux parmi nos frères et sœurs qui fréquentent des anciennes connaissances, parmi ceux qui ne sont pas sur la voie de la droiture, sous prétexte de les appeler au bien, de les sermonner, de les exhorter, de leur faire le rappel. Puis peu à peu, tu vois que c'est en réalité cette personne qui est influencée par ces gens qui sont plongés dans les péchés. Et tu le vois s'affaiblir, sa foi diminue, sa pratique devient défaillante et manquante, wal'iyadu billah. Donc en cela, les intérêts et les méfaits doivent être évalués comme il se doit. Wallahu ta'ala a'lam. La cinquième condition qu'ils ont mentionnée, rendant obligatoire la réponse à l'invitation, est que ce soit la première fois. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a certains événements parfois qui sont fêtés sur plusieurs jours. Dans nombre de pays, lorsque les gens se marient, le repas, la walima, a lieu sur plusieurs jours. Donc si la personne t'a invité le premier jour, que tu as répondu à son invitation, puis qu'elle t'invite à nouveau le deuxième jour, tu n'es pas obligé de t'y rendre la deuxième fois. Car c'est en réalité le même repas et tu as déjà répondu à sa première invitation. Il n'y a pas de gêne à t'y rendre, mais si tu ne souhaites pas t'y rendre, alors tu es excusé car tu as déjà répondu à son invitation la première fois. Wallahu ta'ala a'lam. Enfin, la sixième condition qu'ils ont mentionnée, rendant obligatoire la réponse à l'invitation, est que tu sois capable de t'y rendre et d'y répondre. Mais si tu es malade, ou si tu as un empêchement, ou alors si tu es empêché de t'y rendre en raison d'un grand froid, de la pluie ou autre, dans ce cas-là, tu es excusé et tu n'es pas obligé de répondre à l'invitation. En effet, ces excuses permettent à la personne de s'absenter de la prière en groupe. En cas de grande pluie, la personne est excusée si elle ne se rend pas à la prière en commun. Lorsque la personne est malade, elle est excusée si elle ne se rend pas à la prière en commun. Donc à plus forte raison, elle sera excusée si elle ne répond pas à une invitation. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَيُكْرَهْ لِأَهْلِ الْمُرُؤَاتِ وَالْفَضَائِلِ التَّسَرُّعُ إِلَى إِجَابَةِ الطَّعَامِ وَالتَّسَامُحُ بِحُضُورِ الْوَلَائِمِ غير الشرعية فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس. Il dit, rahimahullah, il est détestable pour les gens dignes et de mérite de s'empresser de répondre à l'invitation à un repas et de faire preuve de laxisme en répondant aux invitations au repas qui ne sont pas légiférées. Car ceci engendre de la bassesse et fait perdre la prestance de cette personne dans le cœur des gens. » Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous dit ici que les gens dignes et les gens de mérite, comme les gens de science ou les gens qui ont l'autorité, comme les gouverneurs ou autres, il est détestable pour eux de s'empresser de répondre à une invitation. Il nous dit car ceci est une forme de rabaissement, de bassesse, et que cela fait perdre la prestance de la personne. Il se peut que suite à cela, la personne soit méprisée, que les gens n'aient plus d'estime pour elle, ou autre chose semblable. Et il nous dit également qu'il est détestable d'avoir dû laisser aller, de faire preuve de laxisme en répondant aux invitations pour des repas qui ne sont pas légiférés. Qu'est-ce qu'il veut dire par « des repas qui ne sont pas légiférés » Il ne vise pas les repas interdits, car les repas interdits, il est interdit de s'y rendre. Mais il vise par cela les repas qui ne sont pas obligatoires ou pas recommandés. On a vu que le repas pour la walima du mariage, c'est un repas qui est recommandé. Il est recommandé d'organiser ce repas. Mais le repas, par exemple, suite au retour d'un voyageur, ceci n'est pas un repas qui est recommandé. C'est une bonne chose, mais à la base, il n'est pas recommandé, il est permis. Donc il parle de ces repas-là. Et il considère que les gens dignes et de mérite, il est détestable pour eux de se rendre à ces repas, car ceci pourrait engendrer de la bassesse et la perte de la prestance dans le cœur des gens. Et ceci est un avis parmi les avis des gens de science. Et d'autres ont été plus précis à ce sujet et ont dit que ce qui est blâmable est de chercher à assister à des repas auxquels nous n'avons pas été invités. Vous savez, lorsqu'il y a des mariages, par exemple, on peut observer parfois la foule qui se dirige vers ce repas. On sait qu'il y a un mariage à tel endroit et les gens se dirigent vers ce repas. Et, dans de nombreux endroits, des personnes qui n'ont pas été invitées se rendent à ce repas. Ils suivent les gens et s'assoient à la table et mangent. Et c'est cela qui peut être blâmable pour les gens dignes et de mérite. Et c'est cela qui peut être une forme pour eux d'abaissement et leur faire perdre leur prestance et que les gens n'aient plus d'estime à leur égard. Mais si la personne est invitée, que le repas est un repas qui est permis ou légiféré, alors dans ce cas-là, il est légiféré pour lui de répondre. Et cela est général pour tout musulman, qui qu'il soit. Et il n'y a pas de différence entre les gens dignes et de mérite et autres qu'eux. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si on m'invitait, c'est-à-dire à un repas pour manger, une épaule ou une patte, alors j'aurais répondu. Et si on m'avait donné, à titre de cadeau, une épaule ou une patte, alors je l'aurais accepté. » Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ce hadith « Ceci est une preuve de son bon comportement, sallallahu alayhi wa sallam, de son humilité et de sa consolation des cœurs des gens. » C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il prenait en considération les sentiments des gens et ce qu'il y avait dans leur cœur. Il veillait à ne pas les vexer, ne pas les attrister. Puis Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, continue et dit « Il y a également une preuve de la réponse à l'invitation de celui qui t'invite dans sa maison, même si tu sais que ce à quoi il t'invite est une chose minime. Ce n'est pas un grand repas, mais c'est une chose modeste, comme une patte de mouton ou une épaule, ou un plat parmi les plats qu'il mange quotidiennement et qui reste modeste. Même si tu sais qu'il n'a rien préparé de particulier, il reste légiféré de répondre à son invitation. » Donc ceci est ce qu'il y a de plus juste concernant cette question. Que l'on répond à l'invitation de celui qui nous invite. Et il n'y a pas de différence entre les gens de science ou autres. Et lorsque nous étions au Yémen, nous avons nous-mêmes vu nos mashayikhs et nos enseignants qui répondaient aux invitations de ceux qui les invitaient et qui participaient au repas lorsqu'ils étaient invités. Ils étaient invités dans les demeures de nombreux frères parmi les étudiants et autres, et eux-mêmes invitaient les frères et les étudiants à des repas chez eux. Et il y avait un grand profit en cela. Et ceci ne les a en aucun cas rabaissés, au contraire. Cela n'a fait que les honorer, faire augmenter l'amour qui leur était porté dans le cœur des gens. Sans parler des nombreux profits qu'il peut y avoir dans ce genre d'occasion, car les gens de science, parmi nos meshaïrs, sont des personnes qui sont profitables aussi bien par leurs paroles que par leur présence et leur comportement. On a donc terminé avec ce qui concerne la walima et le fait d'y répondre. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné quelques règles concernant la visite du malade et la prière mortuaire et les condoléances. Il a dit, rahimahullah, وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ عِيَادَةُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. Et il est recommandé pour le musulman de visiter son frère musulman, c'est-à-dire de le visiter lorsqu'il est malade. Le mot « iyada », il indique la visite du malade. On fait la différence entre « al-ziyara » en arabe, qui est une simple visite, et « al-iyada » qui concerne la visite du malade. Donc si ton frère est malade, il est recommandé pour toi de le visiter. Et ceci fait partie des droits du musulman sur le musulman. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, les droits du musulman sur le musulman sont au nombre de 5 et parmi eux, la visite du malade. Et les gens de science ont mentionné que visiter le malade est une obligation communautaire. C'est-à-dire qu'il est impératif que certaines personnes parmi les musulmans visitent le malade. Car c'est son droit sur ses frères musulmans. Et si tout le monde le délaisse et que personne ne le visite, alors il se peut qu'il soit lésé et qu'il se trouve seul et abandonné. Donc il est impératif de s'assurer, lorsqu'un musulman est malade, qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui et qui se charge de répondre à ses différents besoins. Et lorsqu'on visite un malade, il est nécessaire de respecter certaines convenances. Parmi les convenances, il y a le fait de choisir le moment opportun pour le visiter et de veiller à ne pas le déranger. Tu ne vas pas le visiter lorsqu'il subit des soins. Tu ne vas pas le visiter alors qu'il se repose. Tu ne vas pas le visiter alors qu'il y a peut-être sa famille auprès de lui qui a besoin de rester à ses côtés et de s'occuper de lui. Il se peut qu'en cette situation, tu le déranges plus qu'autre chose. Donc tu veilles à choisir le moment opportun, le moment qui lui fera plaisir. Le moment où te voir va le conforter et le réjouir. Et lorsque tu es auprès de lui, tu veilles à ne pas t'attarder, afin que ta visite ne soit pas lourde et désagréable pour lui. Il se peut qu'il soit fatigué et qu'il soit gêné de te le dire. Il se peut qu'il ait besoin de la présence de son épouse à ses côtés ou de ses enfants, et qu'il ait besoin que tu partes ou autre chose semblable. Donc tu le visites au moment opportun, et tu veilles à ne pas tarder à ses côtés si tu crains que cela le gêne. Mais s'il a besoin de toi, et qu'il souhaite que tu restes à ses côtés, alors ceci est une bonne chose, notamment si ce dernier est seul. Également parmi les politesses et les convenances à respecter à ce sujet, le fait de veiller à ne prononcer que des bonnes paroles lorsque tu es auprès de lui. Et parmi les meilleures paroles, le fait de prononcer les invocations et les formules de rappel légiférées, comme en lui disant « La basse, tahurun inshallah, il n'y a pas de mal, c'est une purification, inshallah ». Ceci fait partie des paroles rapportées de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il disait au malade lorsqu'il le visitait. Et il y a en cela une exhortation pour le malade, afin qu'il soit apaisé et qu'il se rappelle que ce dont il souffre est, inshallah ta'ala, une expiation, une purification de ses péchés. Et ceci va l'aider à patienter. Également, tu peux prononcer les invocations rapportées de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont à faire au malade afin d'invoquer la guérison en sa faveur. Et tu prendras garde à ne pas prononcer de mauvaises paroles. Car il est venu dans un hadith que lorsque l'on se trouve auprès d'un malade, lors de la visite du malade, les anges sont présents et disent « Amin » à chacune des paroles. Donc profite de ce moment pour invoquer en sa faveur, pour qu'Allah le guérisse, pour qu'Allah le soulage de ses peines et de ses souffrances, et ainsi de suite. Et également, rappelle-lui l'importance de patienter face à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Rappelle-lui les bienfaits de la maladie, l'expiation des péchés, l'élévation en degré, et ainsi de suite parmi les bonnes paroles à prononcer. Et si celui-ci est mourant, alors il est important de lui rappeler de prononcer la parole du tawhid, « La ilaha illallah » car celui qui meurt et dont les derniers mots sont « La ilaha illallah », il entrera au paradis. Ensuite il a dit « Rahimahullah »« Wa hudur janazatihi idha mat » et il est également recommandé d'être présent à la prière mortuaire lorsque ton frère musulman meurt. La preuve à ce sujet est le même hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les droits du musulman sur le musulman sont au nombre de 5, et parmi eux, suivre sa janaza. Et ceci également est une obligation communautaire. Il est impératif qu'une partie de la communauté suive le convoi funéraire et prie sur tout mort musulman. Et si personne ne le fait, tout le monde est dans le péché. Et si une partie suffisante le fait, les autres sont excusés. Et il y a un grand mérite à assister à cette prière et à suivre le convoi funéraire. Lorsque tu pries sur lui, tu as la récompense d'un qirat. Et si tu restes et le suis jusqu'à ce qu'il soit enterré, tu as un autre qirat. Comme il est venu dans le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim rahimahumallahu ta'ala. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui assiste à la janaza jusqu'à ce qu'il prie, il a alors un qirat. » Et celui qui est présent jusqu'à ce qu'il soit enterré, il a deux qirats. On lui a alors dit, et qu'est-ce que sont ces deux qirat? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont semblables à deux montagnes immenses. Ils sont semblables à deux montagnes immenses. Donc ceci nous indique qu'il y a une récompense immense à assister à la prière funéraire lorsqu'un musulman meurt. Et il y a trois manières de faire. La première manière est simplement d'assister à la prière, puis de partir. Si tu fais cela, tu auras alors un qirat, comme on l'a vu dans le hadith, et tu te seras acquitté du minimum. Comme cela est rapporté du noble compagnon Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, qui a dit « Si tu pries, alors tu auras certes fait ce qui t'incombe. » Et Abu Dawud, rahimahullahu ta'ala, a dit qu'il a vu l'imam Ahmad, un nombre de fois qu'il ne peut dénombrer, prier la prière mortuaire, puis ne pas la suivre jusqu'à la tombe, sans demander la permission de partir. Donc il n'y a pas de gêne si tu n'as pas le temps de suivre le convoi et d'attendre jusqu'à ce qu'il soit enterré, à faire simplement la prière puis t'en aller. Mais le mieux, et la deuxième manière, est de suivre le convoi jusqu'à la tombe et de rester à attendre qu'il soit enterré. Comme on l'a vu dans le hadith, tu auras ainsi deux qirat qui équivalent à deux montagnes immenses en termes de récompense. Et la troisième manière, qui est encore plus complète, est qu'après qu'il soit enterré, tu restes un instant pour invoquer en faveur de ce mort. Tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le raffermisse. Comme cela est venu dans un hadith rapporté par Abu Dawud et authentifié par Al-Albani rahimahumallahu ta'ala, d'après Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait l'enterrement d'un mort, il se mettait debout à ses côtés et il disait « Implorez le pardon en faveur de votre frère et demandez pour lui le raffermissement, car en ce moment, il est interrogé. » C'est-à-dire, il va être interrogé. Les anges vont venir et vont l'interroger, vont lui poser ces trois questions. « Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. » Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Donc, on implore Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il le raffermisse et qu'il puisse répondre à ces questions, et on implore Allah subhanahu wa ta'ala également afin qu'il lui pardonne ses manquements et ses péchés. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit « wa ta'ziyatu ahlihi » et les condoléances à sa famille. C'est-à-dire que parmi les choses recommandées pour le musulman également, il y a, après sa mort, le fait qu'il présente ses condoléances à sa famille afin de les consoler, afin de se tenir présent à leur côté suite à cette épreuve douloureuse qui vient de les toucher. Et ce que le mort soit musulman ou mécréant. C'est-à-dire que si un musulman perd un proche musulman, alors il n'y a pas de divergence concernant le fait qu'on lui présentera nos condoléances. Et même s'il perd un proche mécréant, il n'y a pas de doute qu'il se peut qu'il soit attristé. Et il sera légiféré pour nous d'adresser nos condoléances à notre frère, qui est musulman, pour la perte de ce proche, même s'il est mécréant. Il est venu dans un hadith, jugé bon par l'imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas un croyant qui présente ses condoléances à son frère suite à une épreuve, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le couvre de la parure de la dignité au jour de la résurrection. » Donc ceci nous démontre que présenter ses condoléances est un acte louable, pour tout ce que cela comprend comme intérêt pour ces personnes qui sont attristées et qui passent un moment difficile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lui-même fait à sa fille lorsqu'elle a perdu un de ses enfants. Il a envoyé quelqu'un lui dire « Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. » Certes, à Allah appartient ce qu'il prend, et à lui appartient ce qu'il donne, et toute chose a auprès de lui un terme déterminé. Qu'elle patiente et qu'elle espère la récompense. Et ceci est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Et les gens de science ont mentionné qu'il n'y a pas, hormis cette parole prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de formule particulière pour présenter ses condoléances. Mais on dira toute parole bonne, réconfortante et permise qui est d'usage parmi les gens tant que celle-ci ne contient pas d'interdit. Reste une question à ce sujet. Est-il permis de présenter ses condoléances à un mécréant qui a perdu un proche? Les gens de science ont divergé à ce sujet. Certains ont dit que cela est interdit. car invoquer en faveur du mécréant et implorer le pardon en sa faveur est interdit. Et d'autres ont dit que les condoléances sont permises tout en prenant garde à ne pas prononcer de paroles interdites. On n'invoquera pas en faveur de ce mort mécréant, mais on pourra dire des paroles réconfortantes à ces gens afin de les soulager et de les aider à patienter face à cette épreuve. Et ceci est d'autant plus permis si ces personnes sont proches, qu'il y a en cela un maintien des liens de parenté, ou qu'on espère que ces gens entrent en islam, bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Wa la ba'sa bi'iyadati dhimmi, faqad aada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yahoudiyan, wa qala kayfa tajiduka ya yahoudi. » Il n'y a pas de mal à visiter un dhimmi. Donc, le dhimmi, c'est le mécréant qui vit sous l'autorité des musulmans et sous leur protection. L'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit « Il n'y a pas de mal à le visiter, c'est-à-dire lorsqu'il est malade. » Al-Iyada, donc toujours la visite du malade. Car certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité un juif et lui a dit « Comment te sens-tu, ô juif ?» Et cette parole est rapportée dans un hadith qui n'est pas authentique. Mais ce récit est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala d'après Anas radiyallahu anhu qui a dit « Il y avait un jeune enfant juif qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce dernier tomba malade. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu lui rendre visite. Il s'est assis auprès de sa tête et il lui a dit « Aslim, entre en islam. » Et celui-ci est entré en islam. Donc, à partir de cela, les gens de science ont dit qu'il est permis de rendre visite à un dhimmi lorsque celui-ci est malade, d'autant plus si on espère son entrée en islam. Et Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, dit qu'il a entendu l'imam Ahmed, rahimahullah, être interrogé au sujet de la visite du juif ou du chrétien lorsqu'ils sont malades. Et il répondit, rahimahullah, s'il espère par cela les appeler à l'islam, alors oui, qu'il les visite. Ceci est une bonne chose. Inch'Allah ta'ala. On a donc terminé avec ce passage et on verra dans le cours prochain certaines politesses liées à la langue et plus particulièrement à l'interdiction de la médisance. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم